Bonjour mes amis, mes chers frères et sœurs. Nous sommes en train d'étudier le deuxième épître aux Corinthiens et nous sommes au chapitre 11 et nous allons continuer ce matin avec ces études-là. Notre bon Père du ciel, tu es admirable, tu es adorable, tu es exaltable, tu es aimable. Mon Dieu, guide-nous encore ce matin afin de discerner les insensés, afin de bien comprendre les sages, afin qu'on puisse bien se défendre contre ceux qui veulent asservir l'Église, ceux qui veulent contrôler l'Église, ceux qui veulent manipuler l'Église, utiliser l'Église à des fins charnelles pour se glorifier eux-mêmes. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. 2 Corinthiens, qui est venu à cause de la réaction de l'Église ou des gens dans l'Église face à la première lettre aux Corinthiens. Et Paul a touché beaucoup de sujets depuis 11 chapitres. Mais de chapitres 10, 11, 12, Paul défend son apostolat. Paul va se compare aux faux apôtres. Paul n'aime pas le faire. Il dit qu'il le fait non pas selon le Seigneur, mais selon de la folie. Il a déclaré que ces hommes-là étaient des faux apôtres. Il les a déclarés hier des insensés. Et les insensés, c'est ceux qui se glorifient selon la chair, qui mettent leur espérance dans la chair, soit pour être sauvés, soit pour vivre la vie chrétienne, soit pour leur propre sanctification, soit pour leur glorification, soit pour leur couronne dans le ciel. Peu importe, quand je me confie dans la chair, ou quand je m'appuie sur la chair pour que les gens me suivent, quand vous dites « je le suis lui », parce qu'il y a une belle famille, attention! Quand je le dis, lui, je le suis parce qu'il vit dans l'humilité et dans la simplicité, attention! Lui, je le suis parce qu'il y a beaucoup d'éducation, attention! Oh, lui, je le suis, cet enseignant-là, parce qu'il a parti beaucoup d'églises, beaucoup de monde ont fait profession de foi avec lui, attention! Toujours attention, quand je me fie à la chair, il y a toujours, toujours des dangers. Paul dit, méfiez-vous, détournez-vous, condamnez ceux qui se glorifient dans la chair. Et il dit, je vais moi aussi me glorifier un peu dans la chair, c'est de la folie de le faire, mais je le fais, afin de vous montrer que je ne suis pas inférieur à eux, même si je me glorifierais dans la chair. Paul dit, quand vous avez tendance à vous glorifier dans la chair, vous êtes dans une belle position pour qu'on vous asservisse, pour qu'on vous contrôle, pour qu'on vous mette des poids, des mesures sur le dos, qu'on vous amène à faire des types de culpabilité parce que vous regardez à la chair. Au lieu de vous comporter comme des gens sages qui vivent selon la grâce de Dieu, qui vivent selon l'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons lire notre texte où ce que Paul va donner encore des éclaircissements sur la folie de ces insensés-là. On va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 33. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qui peut oser quelqu'un, j'en parle en insensé moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, plus par les travaux, bien plus par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, loin de la muraille, et j'échappai à leurs mains. Paul se compare ici à des insensés. Il dit, je vais parler comme un insensé. Vous voulez nous comparer? Même si vous me comparez du point de vue humain, selon la chair, vous devriez rester attaché à ce que je vous ai enseigné quand même. Je suis en rien inférieur à tous ces beaux hommes-là qui vous essaient de vous séduire. Il dit, j'ai honte de le dire. On a été trop faible. Parce qu'il dit, vous supportez qu'on vous frappe, vous supportez qu'on vous tyrannise. Mais il dit, si, encore une fois, il dit, je vais me comparer. Encore une fois, je vais me comparer. Comme un insensé, comme un fou. Avec ces insensés-là que vous voulez suivre. Il dit au verset 22, sont-ils hébreux? Moi aussi. On avait vu hier, hein, ceux qui s'attachent à la race ou à leur statut social pour en appeler à de l'autorité. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Donc, Paul dit, c'est ce petit verset-là qui nous dit que les faux apôtres sont juifs. Sont d'arrière-plan juifs. Il dit, ils sont juifs, ils sont des juifs pur laine. Je le suis aussi. Paul aussi ramène cet argument dans Galates, parce que Paul vivait un problème, c'est que après qu'il partait des églises, quand il partait, il en a commencé un autre ailleurs, les juifs arrivaient par en arrière pour essayer de briser, de démolir, de séduire les églises, les ramener sous la loi ou sous la foi juive. Il dit, s'ils sont juifs, je le suis aussi. Puis même dans Galates, il a rajouté, je suis pharisien, né de pharisiens, plus zélé que tous ceux de mon âge. Il dit, si vous voulez vous comparer, je vais vous en donner des comparaisons. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Là, il dit, il se dépêche à dire, je parle en termes extravagants, ils ne sont pas, mais même s'ils seraient, je le suis encore plus qu'eux autres. S'ils sont des ministres de Christ et que j'en suis un aussi, mais vous ne devrez pas m'abandonner, j'ai fait plus qu'eux autres. Il dit bien plus, la première chose qu'il dit, c'est les travaux. Bien plus dans les travaux. Donc, ce que j'ai fait, tous ces voyages missionnaires, toutes ces églises que j'ai implantées, tous ces gens qui sont venus au Seigneur, si vous voulez regarder aux travaux que j'ai faits, j'en ai fait bien plus qu'eux autres. S'ils jouent le trip des souffrances, mais j'ai souffert beaucoup plus qu'eux autres pour le nom de Jésus-Christ, pour l'Évangile. Il dit, plus par les coups, plus par les emprisonnements, plus par les dangers de mort, plus par la souffrance physique, la faim, les coups que j'ai reçus. J'ai été battu dehors, j'ai été lapidé, j'ai été frappé de bâton. Donc, si vous voulez comparer, ils veulent montrer qu'ils sont des martyrs, je suis un martyr encore plus qu'eux autres. Vous savez, les martyrs, quand on regarde l'histoire des religions, les martyrs ont tendance à attirer la sympathie. Paul dit, c'est être un insensé de suivre un martyr parce qu'il est un martyr. Parce que dans toutes les religions, vous allez avoir des martyrs. Il dit au verset 26, « Je suis encore plus qu'eux autres par le rejet que j'ai subi. » Il dit au verset 26, « J'ai été en péril plus qu'eux autres. » En péril sur les fleuves, en péril des brigands pendant mes longs voyages, en péril de ceux de menaçant des Juifs qui veulent enlever la vie à Paul. Il est en péril de la part des païens qui l'ont fouetté, qui l'ont flagellé, qui l'ont lapidé dans certaines villes. Je suis en péril dans les déserts, j'étais en péril sur les fleuves. Au verset 27, il dit, j'ai peiné, j'ai été exposé à la veille, à la souffrance, plus que toutes les autres. Puis il dit, au verset 28, j'ai été assiégé par les églises, les soucis que m'apportent les églises. Paul, il ne parle pas ici de négativement, mais il dit, j'ai pris soin des églises. C'était sur moi cette responsabilité-là de prendre soin des églises. C'est pour ça qu'il a fait trois voyages. Et trois voyages, souvent, il retournait visiter les mêmes églises avant d'aller plus loin. Et il supportait ce fardeau de père, de mère, si je pourrais dire, qui voit leurs enfants en difficulté, comme il le faisait ici. Paul dit qu'il pleure, et qu'il est attristé par leur tendance à aller vers les faux docteurs, les faux prophètes, les faux apôtres. Et là, Paul il donne un exemple. Parce qu'à partir du verset 29 jusqu'au verset 33, il parle de faiblesse, il parle de... qui a été jusqu'au ridicule pour pouvoir servir le Seigneur. Puis il dit, même une fois que j'étais tellement en danger dans une ville, la ville de Damas. On voulait me faire mourir. Juifs et non-juifs voulaient me faire mourir parce que j'avais amené l'évangile là-bas. Il dit, ils m'ont même descendu pendant la nuit dans une corbeille le long de la muraille afin que je puisse m'enfuir et sauvegarder ma vie. Paul dit, j'étais dans un état de faiblesse. J'ai pas de Cadillac qui m'attend à la porte. J'ai pas de garde du corps. J'ai toujours été dans un état de faiblesse et très vulnérable. Donc, il dit, vous voulez me comparer avec... Vous voulez? Comparez-moi avec eux autres. Comparez-moi par rapport à ma race. Comparez-moi par rapport à mes travaux. Comparez-moi avec eux autres par rapport aux difficultés que j'ai vécues. Comparez-moi avec eux autres, avec toute la misère matérielle que j'ai subie. Ma pauvreté, bien souvent. Comparez-moi dans ma faiblesse avec eux autres. Et dans tous les domaines que vous voulez me comparer avec eux autres, selon la chair. Ce que je ne devrais pas faire, mais je l'ai fait parce que vous m'avez forcé à le faire. Paul, quand il arrivait dans une ville, il ne commençait pas à se présenter selon la chair. Paul arrivait et, comme bien souvent, allait dans des synagogues, allait sur les places publiques, il proclamait l'évangile de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et il faisait quelques miracles. Et des gens se convertissaient, ces gens-là recevaient des dons du Saint-Esprit. Et c'est ça. C'est à ça que Paul fait référence. C'est à cause de ça qu'on devrait le suivre, lui. C'est à cause de ça qu'on devrait suivre les Écritures. C'est à cause de ça qu'on se confie dans les Écritures de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean, de Luc. C'est pour ça qu'on prend pour appui le Nouveau Testament. Parce que tu es mis en place par Dieu à travers des hommes, de façon très miraculeuse, par des dons, par des signes, par des miracles. C'est ce que l'apôtre ou l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit dans son épître. Il dit, Dieu a appuyé leur témoignage par des miracles et des signes. Ces faux apôtres-là n'ont rien à montrer, n'ont rien accepté de se glorifier dans la chair. Y ont-ils la prospérité? Sont-ils une belle apparence physique? Sont-ils très éduqués? Sont-ils des gens célèbres? Alors, je me souviens toujours que j'avais été attristé. Puis je dirais même choqué. Je me souviens à un moment donné qu'on était dans des conférences où est-ce qu'on... des gens qui s'étaient convertis. Et on demandait aux vedettes de donner leur témoignage. On s'appuyait sur les exploits de la chair et on prenait ces gens-là au détriment de d'autres parce qu'on pensait que ça ferait un impact plus grand. Non. Ça ne fait pas d'impact plus grand. C'est l'Évangile qui a de la puissance. C'est pas celui qui porte l'Évangile. C'est le message que le Saint-Esprit utilise et non pas le porteur du message. Alors, vous savez, mes frères et sœurs, il faut faire attention. Pourquoi suivez-vous tel enseignant ou tel enseignant? Pourquoi avez-vous pris tel mouvement religieux au lieu d'un autre mouvement religieux? Qu'est-ce qui vous a attiré? Et chacun de nous, on est attiré par des choses différentes à cause de notre personnalité, à cause de notre caractère. On est attiré par différentes choses. Il y en a qui sont très attirés par des gens qui paraissent bien, qui ont un beau physique, qui sont prospères, qui sont attirants. On le voit dans certaines églises, ils s'en vont là par dizaines de milliers écouter des gens comme ça. D'autres, au contraire, sont attirés par des gens humbles d'apparence, qui n'ont pas beaucoup, qui se promènent en vieux char. Je me souviens une fois, je devais aller faire de la députation dans les églises. Et un monsieur, je n'avais pas d'auto, j'étais monté avec quelqu'un d'autre. Et quelqu'un a voulu me passer une belle auto de l'année, une belle grosse auto de l'année. Puis quelqu'un avait dit, non François, va pas là. Va pas là avec une Cadillac, ils ne te donneront pas d'argent. Prends un vieux char à la place. Voyez-vous, on mettait de l'importance dans l'apparence. Que le gars arrive en Cadillac ou qu'il arrive avec un vieux Volkswagen pourri de 1970, ça ne change rien. On ne devrait pas s'arrêter à l'apparence comme on le fait si souvent. Que l'homme soit vieux, que soit jeune, est-ce que la proclamation qu'il fait est une proclamation de l'Évangile? On va continuer demain dans cette même direction-là. Notre bon Père du ciel, donne-nous la grâce de se méfier de toutes ces choses humaines. Donne-nous la grâce de ne pas le faire, nous, de se glorifier dans la chair, dans notre propre chair. Mais de toujours de se glorifier de ce que tu as fait dans le monde, de ce que tu as fait dans l'Église, ce que tu as fait dans nos vies personnelles. Et tout ce que tu nous apportes, est un effet de la grâce de Dieu à cause de Jésus-Christ. C'est pour ça que notre frère Paul a dit un jour, « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? » Ô Seigneur, donne-nous de vivre ainsi, qu'on soit en Cadillac, qu'on soit en vieille auto, qu'on soit dans une grosse maison, qu'on soit dans une petite maison, qu'on soit des gens beaux, des gens moins attirants physiquement, qu'on soit très éduqués, moins éduqués, donne-nous la grâce, Seigneur, de se glorifier en toi. Comme tu as dit par un prophète de l'Ancien Testament, que celui qui se glorifie dans le Seigneur.